jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas que je suis dans la rue et que j'ai tout perdu. Si jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas qu'aujourd'hui j'en suis là, qu'aujourd'hui je suis là. Si jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas que les couteaux me tentent, que je vis sous une tente. Et dis-lui au contraire que je suis un grand sage qui enchaîne les concerts, multiplie les tournages. Oui, dis-lui au contraire que j'ai vraiment guéri et que la semaine dernière j'ai même baisé une fille. Si jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas que je suis fatigué des mots du célibat. Si jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas que tout a la fadeur d'un dimanche sans ses bras. Si jamais tu la croises, surtout ne lui dis pas que je suis un clodo qui titube et qui boit. Et dis-lui au contraire que l'écorché Fomblard est devenu ce père arrivé bien trop tard. Mais dis-lui au contraire que l'artiste qu'elle aimait est celui qu'elle espère, celui qu'elle attendait. Mens-lui à mon égard pour me faire exister. Pourquoi pas fais-lui croire que j'ai un vrai métier, pour voir naître dans ses yeux un soupçon de regret, que l'on soit même si peu enfin équilibré.